10-20, activation orale. On. Répondez selon les exemples. Vous entendez. 1. En France, les gens parlent français. Et vous répondez. Oui, en France, on parle français. Vous entendez. 2. Dans votre famille, vous mangez ensemble. Et vous répondez. Oui, dans ma famille, on mange ensemble. Allons-y. 3. À Paris, tout le monde parle français? Oui, à Paris, on parle français. 4. Vous allez au cinéma, toi et tes amis? Oui, on va au cinéma. 5. Vous jouez au bridge pour passer le temps, vous quatre? Oui, on joue au bridge. 6. Vous êtes à la fac, vous deux? Oui, on est à la fac.